les manger, essayer dame en train qui fait voile vers d'autres rives de faire un petit passage. Les wagons passés à la ronde en danse, leur redanser, les claquettes bien rythmées. J'ai radé les mêmes stations, pas d'importance. J'ai froid, assourdi, aveuglé, si on dansait. Si on danse, je t'invite. Malgré la pluie, la neige, la chaleur, dès le moment où les roues oublient ce rythme, la terre s'arrête et je meurs si on danse. Si on danse, je t'invite. Quel air me regarde comme un fou. Aujourd'hui, c'est le train. Под музыку.